Alors, toujours sur la manif de Rouen, le 11, j'allais dire décembre, je commence à m'emmêler les pinceaux avec des manifs tous les deux jours, le 11 janvier 2020. Jean-Michel, je te laisse te présenter. Donc Jean-Michel Drevon, je suis retraité de l'enseignement et je suis syndicaliste à la FSU et membre d'Alternativa. Et donc, tu es un fidèle des manifs rouennaises. Est-ce que tu peux expliquer aujourd'hui pourquoi tu es là, qu'est-ce qui ne va pas au fait dans ce pays ? Oh, ce qui ne va pas dans ce pays, ce qui serait difficile de ne pas trouver, c'est qu'est-ce qui va. Mais non, qu'est-ce qui ne va pas, c'est la totalité. C'est que ce soit la bataille sur la question climatique, sur la question sociale, sur les retraites, sur le chômage, sur la précarité, c'est tout ça. Et le problème, c'est que là, on a un mouvement social qui fait suite à celui des Gilets jaunes. Et ça, c'est extrêmement important. C'est important que les syndicalistes aient non pas repris la main, mais en tout cas aient repris eux aussi la rue. Avec les Gilets jaunes et à côté des Gilets jaunes. Mais voilà, maintenant, la question qui nous est posée, je crois, fondamentalement, c'est comment on fait et comment on oppose un autre projet de société. Parce que ceux qui sont en face de nous, il ne faut pas penser qu'ils sont faibles. Hein. Ils ne sont pas nombreux, mais leur force, c'est celle de la division, c'est celle de notre camp. Et ça, c'est ça. Et je pense qu'ils vont essayer de jouer avec Berger. Voilà, ils vont vendre un truc, etc. Donc là, notre problème maintenant, c'est d'élargir encore la grève, hein, parce que c'est ce qui n'est pas encore le cas suffisamment. Mais on a quand même l'impression, là, de manif en manif, qu'il y a cet élargissement. Ce n'est pas un amenuisement en ce moment. Non. Qu'il y a quelque chose qui prend plus d'ampleur et qui n'est pas en train de se réduire du tout. Non, il n'y a pas un amenuisement. Mais on a une difficulté à élargir au niveau de la grève reconductible dans les entreprises. C'est ça qui est difficile, et encore plus dans le privé que dans le public. Mais ça simplement parce que ça fait des années et des années que les gens ont entériné l'idée que, ben voilà, de toute façon, on n'y arrivera pas, on n'aura pas la retraite, on n'en aura pas, donc c'est pas... Bon, voilà, on a en face de nous des gens qui ont réussi à gagner quelque part la bataille idéologique en disant, ben voilà, de toute façon, ça ne peut pas être autrement. Bon, et donc, voilà, donc je pense qu'on voit bien là que la force du mouvement, elle existe, elle est solide, mais elle n'est pas suffisante pour faire canner ceux qui sont des vrais salopards. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'ils ne veulent pas nous entendre, ils nous entendent très très bien, mais par contre, ils ne sont absolument pas d'accord avec ce qu'on veut. Donc on va continuer à monter. Bah oui, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas le choix. Bon, je te remercie. Bonne manif. Je t'en prie, toi aussi.